Ils étaient partis plusieurs ensemble pour revenir au pays. Ils avaient traversé les montagnes et les prairies, armés pour la guerre, car les sauvages qui errent dans ces contrées lointaines sont traîtres et féroces. Ils avaient marché par des sentiers ardus, le long des ravins ténébreux, au-dessus des précipices où grondaient des torrents invisibles. Ils avaient escaladé des rochers abruptes calcinées par le soleil. Grâce à leur connaissance de la forêt, à leur prudence, à l'ombre des arbres touffus, ils traversèrent heureusement la chaîne des rocheuses et descendirent dans l'immense prairie qui s'étend comme un océan sans limite vers le soleil levant. Désormais, il fallait marcher à ciel ouvert. Plus de savanes, plus de rochers, plus de ravins pour les protéger. S'ils étaient aperçus par les Indiens, ils seraient attaqués. Et s'ils étaient attaqués, pourraient-ils se défendre avec succès et sauver leur vie? Ils cheminaient à grands pas dans le foin qui recouvre d'un voile mouvant l'immensité de la plaine, et en cheminant, ils regardaient à l'horizon, pour voir si la silhouette de quelques bandes ne s'y lèverait point, comme un nuage menaçant. Un soir, dit-il, le soleil, descendu lentement du ciel bleu, s'enfonçait dans les vagues lointaines de la prairie, comme un œil sanglant qui se serait fermé, et les herbes légères qui ondulaient au souffle du vent paraissaient bercer des éclairs. Nous étions arrêtés pour contempler ce spectacle magnifique, et par instant nous ne pouvions nous défendre d'un frisson de peur, car il nous semblait que le feu s'était allumé dans cet océan de verdure aride, et qu'il s'avançait sur nous, avec la rapidité du torrent. Tout à coup, dans ce rayonnement merveilleux de la prairie, à une distance immense, nous aperçûmes des ombres qui s'agitaient. Des profils d'hommes et de chevaux se dessinèrent peu à peu, noirs et superbes, sur le fond de lumière. Les chevaux couraient, les hommes étaient armés. On ne traverse point ces déserts sans carabines, revolvers ou poignards. Nul doute, c'étaient des Indiens à la recherche d'une caravane ou fuyant après un pillage. Les ombres grandissaient en se détachant de l'horizon de feu. La troupe se dirigeait sur nous. Était-ce hasard? Nous avait-elle aperçu? Impossible de fuir. Nous n'avions pas de monture et les coursiers sauvages venaient comme le vent. Nous étions cinq. Les Indiens paraissaient une cinquantaine. Et puis ces hommes-là sont d'une adresse incroyable. Debout sur leurs chevaux au galop, ils lancent le lasso qui étrangle, la flèche qui transperce ou la balle qui foudroie. Nous eûmes un moment d'angoisse extrême et nous nous dîmes adieu. Jean-Paul s'écria « Si je meurs, si vous vous sauvez !» Jean-Paul firent ensemble les Duvalon stupéfaits. « Il est donc mort ?» s'écria la mère d'une voix brisée par le désespoir. « Mathias, pourquoi nous avoir caché cela ?» reprocha Joséphine en laissant tomber sur sa main sa figure inondée de larmes. Le père Duvalon se leva de table et se prit à marcher à grands pas. Il murmurait « Jean-Paul, mon pauvre enfant, mon Dieu, c'est-il possible ?» Et tout le monde se mit à parler à la fois. C'était un bruit sinistre de plaintes, de regrets, de soupirs, de sanglots. Mathias eut un moment de frayeur. On l'entendit murmurer entre ses dents serrées par le dépit. « Ai-je été assez bête ?» Cependant, on crut bien que ce mouvement de colère venait de la peine qu'il causait à cette brave famille du Vallon. Il s'en voulait. Il ne pouvait toujours plus se taire maintenant. Il fallait tout dire. Le mal, au reste, n'en serait pas plus grand. Le coup était porté. Il se remit, il reprit son assurance et retrouva sa verve. « Voici, continua-t-il, il ne faut jamais se hâter de publier les mauvaises nouvelles. Pourquoi faire pleurer les gens aujourd'hui, si l'on peut attendre à demain? Voilà pourquoi j'ai été discret. Et puis, il n'est pas sûr que Jean-Paul ait été tué. Il peut revenir. Vous savez, dans ces immenses prairies, on se perd, on s'égare, on prend des routes qui conduisent pas toujours où l'on veut aller. Il est peut-être dans les mines, à piocher de l'or, et il attend une caravane pour revenir. » C'est plus sûr une caravane. Il allait... Oh, ce sont des illusions, interrompit le père Duvalon. Le cher enfant, il est bien mort, sanglotait la pauvre mère. Joséphine se retira dans sa chambre pour pleurer, et on l'entendit gémir, car la porte resta entr'ouverte. Ses meilleurs amis, entrés avec elle, s'efforçaient de la consoler. Et puis chacun évoquait le souvenir du malheureux jeune homme. On parlait de son enfance et de sa jeunesse, de ses alternatives de douce gaieté, et de singulière tristesse. On vantait son amour du travail, sa complaisance, sa sensibilité. Il était pieux, il était fidèle à ses amitiés. Un vieux chanteur au lutrin, le père José-Henri, qui mettait sa gloire à chanter plus haut que les autres, les psaumes des vêpres, raconta comme il se hâtait de se rendre à l'église, le dimanche pour servir la messe, ou s'asseoir dans les stalles dorées du sanctuaire avec les autres enfants de chœur. Il se souvenait de son air digne et de sa démarche mesurée. Alors que vêtu de sa jupe noire et de son surplis blanc aux larges manches, il était turiféraire les jours de grandes fêtes. Nul mieux que lui ne balançait l'encensoir d'argent. Il faisait, d'un geste aisé, décrire à la chaîne luisante une courbe gracieuse, et l'encensoir retombait mollement, sans bruit et sans perdre le feu béni, puis remontait encore, trois fois pour le curé, trois fois pour chaque côté du cœur, et trois fois pour le peuple. Alors un nuage d'encens se roulait dans l'air tiède de l'église, et s'étendait comme un voile de gaze azurée sous les arceaux de la voûte. Cependant, l'on entourait Mathias. Il fallait savoir comment cela avait fini, cette attaque des Indiens. « Dis tout, raconte tout ce que tu sais. Cela vaut mieux, » observa le père du vallon. Mathias, s'efforçant de paraître ému, reprit d'une voix basse, comme s'il eût eu peur de réveiller de nouvelles douleurs. Il ne fallait pas songer à demeurer ensemble, car le groupe que nous formions pouvait être vu d'une longue distance. Chacun prit donc, de son côté, au pas de course, et chercha une cachette sous les touffes de foin, dans les replis du sol, qui sont comme les ondulations des eaux. Pour moi, je me jetai immédiatement à terre, et j'attendis, dans une terreur que je ne saurais peindre, et en conjurant le ciel de me prendre en pitié l'arrivée de la bande cruelle. Je m'imaginais que mes compagnons, poussés par l'instinct, plutôt que guidés par la réflexion, se sauveraient aussi loin que possible, et seraient en conséquence observés plus longtemps. J'avais raisonné juste. J'aurais voulu retenir Jean-Paul, mais il était déjà loin. Au bout de quelques instants, j'entendis le galop des coursiers. Il produisait un grondement sourd, comme le tonnerre qui roule, et le sol frémissait sous mes membres immobiles. L'ardente chevauchée approchait. Elle approchait en poussant des clameurs féroces. Soudain, je me vis enveloppé d'un nuage horrible. Une sueur froide m'inonda, et je me pris à trembler comme dans la fièvre. Elle courait toujours. Elle s'éloignait. Je n'avais pas été vu. Le bruit infernal allait mourant. Mais voici qu'un hurlement nouveau remplit les airs, un hurlement de joie. Mes compagnons avaient été découverts, sans doute quelques-uns d'entre eux du moins. Je n'osais pas remuer de crainte de me trahir, et toute la nuit je restais couché sous le foin qui m'avait sauvé. Le matin, quand les sauterelles et les criquets se mirent à voltiger au-dessus des brins de mil, ou à crier leur rauque salut au soleil levant, les Indiens avaient disparu, et je me trouvais seul au désert. J'appelai mes compagnons, mais nulle voix ne répondit à la mienne. Que sont-ils devenus ? Ont-ils été tués? Sont-ils prisonniers? Je l'ignore.